Kato, Zimbabwe, Richard Sardina Tore, Jojo Armani, Joshua, Bana Suisse. Je sais que. Côté tout le gars, 4 cils, elle frappait comme une faute du frangin. Comme on a battu, point de l'ango. Go, go.